dois assurer, et ma vie est l'empire. Une trompeuse paix m'exposait au danger de périr sous les coups d'un traître qui conspire. Ou vengez-moi, Seigneur, ou je cours me venger. Où je cours me venger, où je cours me venger. Toujours vous écoutez un soupçon qui m'outrage. Il a pu vous ravir et le sceptre et le jour. Vous vivez, vous régnez. Lui-même devant vous, il se défendra mieux.